Le verbe partir se dit partire. Attention à l'accentuation. Partire. Partire, oui. Alors, comment dira-t-on « je partirai demain » sans oublier qu'en italien, c'est souvent le présent qui fait office de futur. Parto domani. Parto domani. Et dites-moi, à quelle heure partez-vous? À che ora parta? Ce n'est pas un verbe en are. Parte. À che ora parte? C'est clair maintenant? Oui, oui. On a soit une terminaison en a, si le verbe finit en are, soit une terminaison en e pour tous les autres verbes. À che ora parte? Semaine se dit settimana. S-E-T-I-M-A-N-A. Ça ressemble au mot français et on reconnaît bien aussi le mot sette, sept comme les sept jours de la semaine. Et prochaine se dit prossima. P-R-O-2-S-I-M-A. En insistant sur la première syllabe, sur le O. La settimana prossima. Alors, comment diriez-vous « À quelle heure partez-vous la semaine prochaine ?»« À che ora parte la semana ?»« La settimana » avec deux T. « La settimana prossima. »« À che ora parte la settimana prossima ?» Encore un présent pour exprimer le futur. Ce qui ne veut pas dire que le futur n'existe pas en italien. Si on remonte aux origines de la langue italienne, pour exprimer le futur, pour dire par exemple « je partirai demain », on disait soit « parto domani », « je pars demain », soit « partir j'ai demain » ou en quelque sorte « j'ai à partir demain ». Comment diriez-vous ça « partir j'ai demain » Partir, c'est partire. Et j'ai ho. Demain, domani. Partire ho domani. Et il partira donnerait partir il a. Comment diriez-vous ça, partir il a? Partire a. C'est ça, partire a. Oui. Avec le temps, partire o et partire a se sont contractés en partir o et partir a. Puis, partir et la voyelle de o et de a ont fini par s'amalgamer. Partir o est donc devenu partir o? Oui, mais on insiste sur le o de la fin parce qu'on insiste sur l'obligation. Je dois partir. J'ai à partir. Partiro. Partiro. Voilà. C'est cette forme contractée qui est devenue le futur. La contraction du verbe et du o a donné ro. Finalement, si on s'en tient au son, le ro, R-O accent grave, correspond au je. Et qu'est-ce qui correspond au il ? Ra. Voilà, c'est ça. Ra pour il, elle et le vous du vouvoiement. Ra. R-A, accent grave. C'est la même règle pour tous les verbes. Ro et ra. Ro et ra.